Desconnecte mon dieu, accroche sur la gueule. Tu essaies de faire péter ta gueule. QSF frappe des départs sur la scène. Dans une prochaine tongue-back. QSF te frite, QSF te sac. Tape-tape dans ta gueule. QSF frappe des départs sur la scène. Soumets-toi, va chercher la babelle. N'attends pas du soir à du ciel corporel. QSF est mauvais, QSF sans le vomi. L'ouvre comme à tes frères, puisque Jean Sarkozy. Pourtant, pauvre homme, tu es bien naïf. L'un des deux est réel, alors que l'autre est fictif. Anatole perspicace, sans que le vent tourne. Le temps qui passe s'appuie sur le manque de thunes. Le théorème s'enrichit de crédibilité. Quand la vie se rythme sur le prix du blé. La gamme dans ta gueule. Tu es le seul, tu te prépares pour un seul. No hesitation, turn it back. Tu es le seul, tu es le seul, tu es le USM en exemple grille toutes les politesses. La véranda est le temple de la délicatesse. Serre les dents, écarte les fesses. Anatole à présent va te donner la messe. Hoche la gueule et marque les contretemps. Le squamate est habile à faire couler le sang. Alors ne restez pas seul, affile maintenant le serpent. Fais des coups à ta mère et file te laver les dents. QSM est mauvais, QSM sans vomi. Le squamate est fait plus que Jean Sarkozy. Pourtant, comme moi, tu es bien naïf. L'un des deux est réel alors que l'autre est fictif.